sur RIG. Bonsoir, c'est Thierry Gallet. Je suis arrivé juste à l'heure. Ah oui, il y avait du monde. Il y a du monde sur la route. Donc j'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 555. Il y a un album de la semaine. Mais aujourd'hui, c'est une saga spéciale parce que on a un invité. Et l'invité, c'est Doc Roberts et son émission « Two Beatles or Not To Be ». Je crois que c'était il y a deux semaines que l'un d'entre vous m'a fait découvrir qu'il existait une émission qui n'est pas hebdomadaire mais qui est mensuelle sur les Beatles. J'ai écouté une de ces émissions, je l'ai trouvée tellement intéressante que je lui ai demandé l'autorisation de la rediffuser là, ce soir, pendant 59 minutes. Il réalise l'émission donc To Beatles or Not To Be depuis 2020. Son émission est une mensuelle d'une heure. Vous pouvez l'entendre le deuxième mercredi à 19h jusqu'à 20h. Tombe bien, hein, là, on dirait qu'il a fait exprès. Elle est diffusée sur une vingtaine de radios en France. Ça fera 21 avec RIG sur ce coup-là. Et élaborée chez RAM 05. Est-ce qu'il n'y a pas une prédestination là-dessus? RAM comme l'album de Paul RAM, hein? Bon, c'est une radio associative des Hautes-Alpes. Le principe est de proposer une émission sur les Beatles, mais sans les Beatles. Voilà la grosse différence avec nous. On y entend des versions alternatives, des morceaux non inclus sur leur disque, des reprises dans plein de styles différents, du bluegrass à l'électro, en passant par le classique, le metal, le hip-hop, et des fausses chansons des Fab Four. Bref, tout ce qui peut être connecté aux Beatles, mais qui ne figure pas dans leur discographie officielle. Donc c'est marrant, puisque ce brave Doc est quelque part l'inverse de moi. Moi, je vous propose des chansons officielles, et puis quelques fois des chansons pas tout à fait officielles. Bref, certaines de ces émissions ont des thématiques spéciales, ça va être le cas ce soir. L'idée pour le Doc est de redécouvrir les Beatles en les écoutant autrement. Il en profite aussi pour raconter pas mal d'anecdotes et d'histoires sur des épisodes ou des personnages plus ou moins méconnus de l'histoire des Beatles, ou bien pour décortiquer des chansons de leur répertoire. Là, cette fois-ci, il va décortiquer un album entier. Vous ne rêvez pas. Et c'est la fête, puisque ce sont les 60 ans de cet album, le premier des Beatles. Je passe l'antenne et la parole à Doc pour qu'il vous décortique cet album. C'est très, très intéressant. Écoutez. Et bienvenue dans Two Beatles or Not To Be, une émission sur les Beatles mais sans les Beatles. On est ensemble pour écouter les Beatles autrement en explorant l'univers étendu des quatre fantastiques de Liverpool. Ici aux manettes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et pour commencer, il faut que je vous avoue que j'ai menti. Le slogan annonce une émission sur les Beatles sans les Beatles, mais aujourd'hui nous entendrons bien les Beatles. Nous entendrons même uniquement les Beatles, puisque ce numéro est spécialement consacré au premier album des Fab Four, Please Please Me, en 1963. Un album révolutionnaire pour la musique populaire qui est entré dans la légende pour la simple et bonne raison qu'il a été enregistré en une seule journée. C'est ce mythique 11 février 1963, dont on célèbre les 60 ans, que l'on va revivre ensemble aujourd'hui. Du producteur George Martin, le point de départ de l'album est le suivant, tiré parti de l'expérience hors du commun que les Beatles ont de la scène. Les jeunes musiciens connaissent une large palette de morceaux sur le bout des doigts, il suffit de les installer en studio, de leur demander de jouer leurs meilleures chansons les unes à la suite des autres comme ils le font en concert, d'enregistrer tout ça et le tour est joué. Ça ne va pas être tout à fait aussi simple, on va le voir. Et en plus, dit George Martin, cet album est une aubaine pour capitaliser rapidement rapidement sur le succès éclair des deux premiers singles du groupe sortis au cours des derniers mois. En comptant les faces B de ces deux 45 tours, cela fait déjà 4 morceaux en stock. Pour atteindre le format standard d'un album, il reste donc 10 morceaux à enregistrer et c'est l'objet de ce lundi hivernal. Alors pourquoi une seule journée ? Eh bien parce qu'au sein de Parlophone, il n'est encore jamais venu à l'idée de personne de prendre plus de temps que ça pour enregistrer un disque. Ce label est une toute petite branche d'une grande entreprise de recherche et développement en technologie qui n'est pas encore devenue une major du disque, EMI, Electric and Musical Industries. Par ailleurs, dans cette compagnie, tout est encadré très strictement, notamment les horaires de travail. George Martin a réservé 2 créneaux d'enregistrement, 10h-13h et 14h30-18h. En ce 11 février 1963, à 10h donc, le producteur, les ingénieurs du son, les techniciens sont tous à leur poste dans le studio 2. Les Beatles, eux, arrivent en retard. Et ils ne sont pas super en forme, malgré l'exceptionnel jour de congé que leur manager leur a ménagé la veille pour cette session studio planifiée au beau milieu de leurs incessantes tournées. Les musiciens sillonnent la Grande-Bretagne en bus de long en large alors que sévit un hiver particulièrement glacial, l'un des plus rudes qu'ait connu le pays. John en particulier a un rhume carabiné. De leur bagage, les Fab Four extraient une grande jarre contenant des kilos de pastilles pour la gorge, ainsi qu'un grand carton de cigarettes qu'ils disposent l'un à côté de l'autre sur le piano. John, Paul, George et Ringo se réchauffent et se préparent avec application pour cette journée de travail. Quelques mois plus tôt, ils étaient excités comme des gamins à chaque passage à la radio de leur premier single. Cette fois-ci, ça y est, ils entrent dans la cour des grands, ils enregistrent un album. Et ils prennent cette tâche très au sérieux. Tout le monde est prêt, c'est parti. Voici une reconstitution heure par heure de cette session, avec ses surprises, ses difficultés et ses moments de bravoure. Vous écoutez la saga des Fab Four avec Thierry Gallet. 10h45, à l'horloge des studios. Le matin, les Beatles dégainent des compositions originales dont ils sont particulièrement fiers, mais qui vont s'avérer plus laborieuses que prévu à enregistrer. La première est une création de Lennon, inspirée du style Motown, There's a Place. L'une des difficultés rencontrées est le motif de guitare de George, joué notamment au début. La première prise est complète, mais ce solo n'est pas très propre. Ce motif qui apparaît à plusieurs reprises dans There's a Place n'est pas complètement maîtrisé par le jeune guitariste. À cela s'ajoute d'ailleurs ici un défaut de réglage des micros. En route donc pour une deuxième prise qui sonne mieux, mais George Martin estime que ça peut être encore amélioré et en enclenche donc une troisième. Sauf que Harrison rate encore son intro, le producteur l'interrompt rapidement. Take three. C'est donc reparti, après une prise complète mais pas satisfaisante, le guitariste prend quelques secondes pour s'exercer sur son solo récalcitrant en rejouant l'intro de la chanson Please Please Me qui repose sur la même technique, à savoir une même mélodie jouée 2 fois simultanément à 1 octave d'intervalle. Take 5. De son côté, John conseille Paul sur le chant, pas évident non plus. If you count, if you go, it works better if you do beat somehow, you know, think the beat in here. Mais McCartney coupe rapidement la prise, jugeant le solo de Harrison encore une fois en retard. Suite à une sixième prise presque réussie mais pas tout à fait quand même, une septième est enclenchée, interrompue par George Martin à cause, de nouveau, du solo de guitare décidément trop difficile pour le jeune Harrison. La prise suivante, numéro 8, est elle aussi jugée pas assez bonne à cause notamment d'une figure de batterie un peu trop pétaradante de la part de Ringo avant le pont. Il semble décidément que les musiciens aient un peu de mal à se mettre en jambes en ce lundi matin. Sur la prise 9, c'est au tour de Paul d'avoir quelques faiblesses sur la voix et à cela s'ajoute un joli pain de guitare ici, juste après « When I Feel Low ». When I feel low, when I feel blue. Bon, ça fait déjà 45 minutes que le groupe est au travail et il faut avancer. George Martin lance une 10e et dernière tentative. Les musiciens se concentrent. Paul, agacé, marmonne tout bas, prise 15, avant d'énoncer le décompte. Puis, c'est parti. Résultat, enfin, une version quasi parfaite. La prise numéro 10 de There's a Place, qui est considérée par toute l'équipe comme la meilleure et qui sera donc utilisée sur l'album, même si le producteur est toujours frustré par les solos de guitare. 11h30, à l'horloge des studios. La deuxième chanson à être abordée est un pur rock'n'roll décoiffant signé McCartney, I Saw Her Standing There, qui sera placé en ouverture de l'album. Ce 11 février, le titre provisoire est encore 17. Tout commence bien puisque la première prise est un sans faute. George Martin tient cependant à capturer une autre version par sécurité. La numéro 2 est tout aussi énergique, sauf que les chanteurs s'en mêlent les pinceaux sur les paroles et que Paul, considérant la prise ratée, gâche la fin avec une descente de basse sur le dernier accord. Personnellement, je trouve cette version particulièrement énergique et séduisante par son imperfection. Okay, go on. Oh. Take two. I got one, two, three, four. One, two, three, four. Look at- Je reprends la main une demi-seconde, Doc, si tu le permets, pour dire que vous êtes bien sur RIG 90.7. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles, il vous faut aller sur BeatlesMagazineUK.com, c'est le site de Lovely Rita, qui est à Londres, et vous pouvez retrouver sur son site, qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les albums à sortir de George Harrison éventuellement, de John Lennon pourquoi pas, mais aussi Ringo Starr forcément et Paul McCartney, également les tournées de Ringo Starr et c'est l'éventuel le passage en Europe on espère de Paul McCartney. Bref, c'est 24 heures sur 24, c'est lu par des millions d'internautes dans le monde. Et on leur remercie. Lovely Rita. Voilà, Doc, je te repasse la main. La saga des Fab Four, c'est sur RIG 90.7. Le producteur paraît ne pas avoir remarqué la confusion sur le texte et tente de réparer cette prise. Tout d'abord en rejouant les dernières mesures proprement pour corriger la basse de McCartney. La prise 3 est donc un edit piece, un bout destiné à être collé à la place de la fin. Puis le producteur estime que le solo central de Harrison peut être amélioré et lui demande de le rejouer. John et Paul se voient suggérer quant à eux de se lâcher encore plus sur les cris. Another edit piece and we take four. Here we go. Two, three, four, one. Okay, Tom. One, two, three, four, one. Whoa, since I saw mieux faire, juge George Martin. Cette tranche centrale est de nouveau réenregistrée. Lennon et McCartney s'entraînent sur leurs cris juste avant de se lancer. Another edit piece, take same edit piece, rather take five. Go on. Okay. One, two, three, four, one. Whoa, since I saw. Ouais, le producteur n'est pas convaincu. Le bricolage sur la prise 2 est abandonné et il est décidé de repartir du début. L'idée est toujours d'avoir une deuxième bonne version en plus du premier enregistrement qui a été réussi. Avant d'enclencher la prise 6, Paul tente de trouver un moyen mnémotechnique pour dire les paroles dans le bon sens et cherche le bon tempo. Where's the tempo? Where's the tempo? Oh, of course, no. Just boom. Perdu, les chanteurs se trompent à nouveau sur le texte et sont donc interrompus par la cabine de contrôle qui leur signale l'erreur. La tension commence à monter doucement lorsque Paul réplique en affirmant que c'était trop rapide de toute manière. Too fast. Yeah, but I mean it's too fast anyway. McCartney s'agace de ses trop nombreuses tentatives et lance un « et encore » juste avant la prise suivante, qu'il coupe dès l'intro au prétexte que le tempo est encore trop rapide. Un petit avant-goût de son caractère autoritaire et perfectionniste. Take seven. And again. Two, three, four. And again, I'm sorry, you know. Vient ensuite sur la numéro 8 un accident très rare puisqu'il est dû à Ringo. Le batteur loupe un coup de charlet sur le troisième vers de la chanson. Well, L'énervement de Paul continue de croître et c'est tant mieux car il va donner lieu à 2 secondes d'anthologie. C'est McCartney qui est chargé systématiquement du décompte avant chaque chanson. Et pour lancer la prise 9, Paul est tellement sur les nerfs qu'il lance un 1, 2, 3, 4 qui défrise tout le monde. D'ordinaire, les décomptes sont coupés au montage, mais celui-ci vaut tellement le détour avec son 4 explosif que George Martin décide de le conserver. L'avantage en plus, c'est que le morceau constituant la première plage du disque, eh bien, l'album s'ouvrira avec ces 4 mots typiques qui plongeront directement l'auditeur dans l'ambiance live recherchée. Cette prise 9 est très bonne, mais la numéro 1 est finalement jugée la meilleure. Le fameux 1, 2, 3, 4 de McCartney sera découpé et collé au début. To Beatles or Not To Be sur RAM 05. Bon, c'est pas tout, mais avec tout ça, il est 13h. Les employés réglés comme des horloges sortent casser la croûte, une part de tarte et une pinte au pub du coin. Les studios sont déserts, mais pas tout à fait. Les 4 Beatles, eux, restent sur place pour s'exercer. 2 chansons en une matinée, c'est beaucoup moins qu'espéré. Les Fab Four s'attellent donc à jouer, rejouer et re-rejouer le reste de leur répertoire. Lorsque le personnel rentre de la pause déj à 14h30, tout le monde reste bouche bée. Des musiciens qui préfèrent travailler plutôt que manger, ils n'ont jamais vu ça. Les Beatles avalent un verre de lait, ça fera l'affaire. Ça y est, ils sont d'attaque pour les 8 morceaux restants. 14h30. À l'horloge des studios. Pour enclencher l'après-midi, le choix se porte sur une reprise, A Taste of Honey, un standard de la pop de la fin des années 50, réinterprété façon R&B par l'américain Lenny Welch. Cette ballade offre l'avantage d'apporter une touche un peu plus adulte à l'album et de montrer la polyvalence des Beatles. La 5e prise est jugée la meilleure. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Mais George Martin prévoit d'y retravailler tout de même un peu plus tard. 15h15, à l'horloge des studios. Quand John était enfant, sa maman lui chantait souvent un passage du Blanche-Neige de Walt Disney qui commençait par « Want to know a secret, promise not to tell ?»« Tu veux connaître un secret, tu promets de ne rien dire ?» Quelques années plus tard, il compose une chansonnette pop qui débute par les mêmes paroles et qu'il baptise « Do you want to know a secret ?». Considérant que c'est à la voix de George Harrison que la mélodie correspond le mieux, il la lui confie. C'est le 6e enregistrement qui est le mieux réussi. Le producteur demande cependant à Ringo de taper 2 baguettes de batterie l'une contre l'autre durant le pont au milieu du morceau et à Paul et John d'ajouter des harmonies sur les couplets, une descente de doo-da-doo. La prise 6 est lancée, les musiciens enregistrent ces ajouts par-dessus pour donner cette prise numéro 7. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. À la fin, John demande à la cabine de contrôle s'il ne vaut pas mieux chanter les deux dadou uniquement sur le deuxième couplet comme convenu, ce que George Martin approuve. L'opération est donc renouvelée. La prise 8 qui en résulte est la version qui figure sur l'album. Pour la première fois de la journée, les Beatles achèvent entièrement l'enregistrement d'une chanson. En effet, les trois précédentes, There's a Place, I Saw Her Standing There et A Taste of Honey, vont à présent faire l'objet d'overdub, d'ajouts par-dessus les meilleures prises. 15h45, à l'horloge des studios. C'est d'abord la bande de A Taste of Honey qui est ressortie. Et les Beatles découvrent alors une astuce innovante à laquelle ils vont devenir complètement accros, le double tracking. George Martin demande simplement à Paul de rechanter la même mélodie par-dessus sa propre voix sur chacun des deux ponts. Comme la superposition n'est pas exactement parfaite, il en résulte un son plus profond et chaleureux. Procédé qui sera utilisé par les Beatles à de très nombreuses reprises au fil des années. Cette prise numéro 7 figurera dans l'album. La saga des Fab Four, c'est sur RIG 90.7. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Overdub de cette série de retouches, There's a Place, la première chanson à avoir été abordée au début de la journée. Rappelez-vous, le groupe avait laborieusement accouché d'une bonne prise numéro 10, mais les motifs de guitare n'étaient pas parfaitement propres. Eh bien, George Martin, qui a toujours une idée pour tout, a trouvé un stratagème pour corriger ça. Demander à Lennon de jouer ses petits solos à l'harmonica par-dessus la guitare de Harrison. John s'exécute et en deux temps trois mouvements, c'est plié. La prise 13 de There's a Place est définitivement actée comme la version finale de la chanson. Et enfin, George Martin décide de peaufiner également I Saw Her Standing There. Il suggère aux quatre musiciens de frapper dans leurs mains à l'unisson tout au long de la chanson. John, Paul, George et Ringo se disposent en cercle autour d'un micro et clapent donc ensemble par-dessus la prise 1 qui leur est diffusée. Le premier essai n'aboutit pas, mais le suivant est le bon. Echoed claps, I mean. 17, track 2, take 11. Vous écoutez la saga des Fab Four avec Thierry Gallet. Well, she was just and tidy. Take 12. Prise 12 qui sera utilisée sur l'album en ajoutant le fameux décompte au début. 17h à l'horloge des studios. L'après-midi avance à vitesse grand V et même si les Fab Four sont plus efficaces que le matin, ils n'ont pour l'instant que 4 chansons en poche sur 10. Le producteur se décide donc à réserver le troisième et dernier créneau de la journée, le 19h30-22h. Mais il reste encore le temps de travailler sur une chanson avant le dîner. Le choix se porte sur une création du duo Lennon-McCartney, un mélange de pop, rock et R&B baptisé Misery. Les musiciens sont énergiques, motivés, mais les deux petites interventions de guitare sur chacun des ponts s'avèrent difficiles à jouer parfaitement sur les temps. Écoute cette première prise, malgré tout particulièrement vivante. Misery, take one. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Prise numéro 2, George s'entraîne pour le passage délicat. Take two. Mais cette tentative est interrompue par la cabine de contrôle, George Martin signalant à Harrison que sa guitare est trop forte et un peu désaccordée. La prise 3 connaît le même sort car John se trompe d'accord juste après la phrase I'm the kind of guy. The world is treating me bad, man. Et c'est de nouveau une erreur de Lennon qui a raison de la prise 4. Cette fois-ci, le chanteur se mélange les pinceaux sur le texte. Take 4. Should we go? Ew. The world is treating me bad, misery. essai suivant, John se concentre sur les paroles, mais du coup, il fait de nouveau fausse route sur les accords. Après cette série de faux départs, la prise 6 est enfin complète. Ringo Starr et George Harrison y proposent une variante intéressante sur les ponts, des broderies supplémentaires de guitare sur lesquelles des figures de batterie sont ajoutées. Un parti pris un peu trop chargé au goût du producteur qui demande pour la prise 7 de revenir à une version dépouillée. Sauf que l'épineuse petite intervention de guitare se doit d'être irréprochable et que ce n'est toujours pas le cas. George Martin se résout à demander au guitariste de ne plus jouer ses solos et réfléchit à un plan B. En attendant, un nouvel accident de parole de John met fin à la prise 8 et la prise 9 est finalement jugée bonne. Misery sera finalisée une dizaine de jours plus tard en l'absence des musiciens. Pour le motif rebelle sur le pont, le producteur se mettra lui-même à l'ouvrage. Le riff sera joué au piano. Il lui faudra 6 essais pour atteindre le timing parfait. Voici sa contribution telle qu'elle apparaît sur l'album. So Misery est ainsi le premier d'une longue série sur lesquelles George Martin jouera aux côtés des Beatles. Two Beatles or Not To Be sur RAM 05. Chez EMI, c'est l'heure désormais du repas du soir. Devant leur plateau, dans la cantine d'entreprise, les Fab Four sentent une montée d'adrénaline. Et pour cause, il ne leur reste qu'un tiers du temps alloué pour finaliser la moitié des chansons. Il faut absolument mettre en boîte 5 morceaux avant 22h. Demain, ils seront sur la route, loin de Londres. C'est maintenant, ils n'ont plus le choix. 19h30, à l'horloge des studios. Le compte à rebours est lancé. Il s'agit d'être le plus efficace possible, ne pas perdre une seconde. Ce serait une très mauvaise idée de se lancer sur une composition pas terrible et laborieuse à mettre en valeur. Ce serait une très mauvaise idée, non ? Eh bien pourtant, c'est ce qui se passe. Les premières 45 minutes de la soirée sont littéralement perdues puisque le groupe s'acharne pendant 13 prises sur une création très moyenne de McCartney qui est finalement abandonnée. Si les bandes sont jetées à la poubelle, ce titre, Hold Me Tight, sera réenregistré 7 mois plus tard pour être utilisé comme, de l'aveu même des musiciens, morceau de remplissage pour leur deuxième album. Mais l'heure tourne, il faut enchaîner. 20h15, à l'horloge des studios. Moins de 2 heures pour tout terminer. Ce sont alors 5 reprises fétiches, garanties sans piège, jouées des centaines et des centaines de fois en live que prennent d'assaut les Beatles. À commencer par la ballade Rhythm and Blues Anna Go To Him d'un chanteur américain admiré par les Fab Four, Arthur Alexander. 3 prises complètes sont mises en boîte, la dernière est considérée comme la meilleure, elle figure telle qu'elle sur l'album, simple et efficace. Vous écoutez la saga des Fab Four avec Thierry Gallet. Anna Gotohim est la première chanson de la journée à être enregistrée simplement en une version live, sans correction ni ajout ultérieur. Une méthode adoptée pour trois des quatre autres reprises jouées ensuite. 20h45, à l'horloge des studios. Voici le moment de la journée où les Beatles sont les plus efficaces. Une seule et unique prise est nécessaire pour Boys, une version rock'n'roll d'un morceau originellement publié par le groupe américain de R&B The Shirelles. Ringo Starr, au chant et à la batterie en même temps, accompagné de ses trois compères, livre une prestation tellement parfaite que George Martin ne juge même pas nécessaire d'enregistrer une prise de sécurité. Ici l'un des très très rares titres des Beatles à n'avoir nécessité qu'une seule prise. La soirée avance, la fatigue s'accumule, mais le groupe est de plus en plus performant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. On a enregistré toute la journée, mais plus on continuait et meilleur ils devenaient, se rappellera plus tard George Martin. 21h, à l'horloge des studios. Un mélange de R&B et de rock'n'roll à nouveau pour la reprise suivante, empruntée aux Cookies, un autre groupe américain de rhythm and blues. Les Beatles mettent en boîte 4 prises et c'est finalement la première qui est gardée sans modification. La saga des Fab Four, c'est sur RIG 90.7. Love. Brut pour ce morceau. 21h30, à l'horloge des studios. Les Fab Four choisissent à nouveau une reprise des Shirelles après Boys un peu plus tôt. Ici, il s'agit de Baby It's You, interprétée dans une veine pop. Trois prises sont enregistrées et la dernière est conservée. George Martin prendra simplement le temps, quelques jours plus tard, d'y ajouter un overdub. Le producteur doublera le solo de guitare avec un instrument peu commun, un Celesta, une sorte de piano où les cordes sont remplacées par des lames métalliques. Le tout pour un son, eh ben, céleste. 'Cause baby, it's you. Voici le morceau en entier. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Baby, it's you. Des studios. 22h, on y est, l'heure de fermeture des bureaux et des studios. En principe, à 22h02, tout le personnel d'EMI a passé la porte. À 22h05, tout le monde est à la station de métro d'à côté. Sauf que, si vous avez compté, bravo pour vous, il manque une chanson. Une dernière chanson pour boucler l'album. Sacrilège ultime, George Martin et son équipe choisissent d'enfreindre le règlement et de déborder sur leurs horaires. Producteurs, ingénieurs, techniciens et musiciens se retrouvent dans une petite salle de pause à côté du studio pour souffler un peu, grignoter, boire un café. La discussion tourne autour du choix du dernier morceau. Quelqu'un propose Twist and Shout. Il a entendu les Beatles le chanter à la radio quelques semaines plus tôt. La suggestion est approuvée, mais problème. 12 heures après le début de la session, les gorges se font fatiguées et douloureuses. Et John en particulier, qui doit assurer le chant principal, est le plus gêné des quatre par son gros rhume et n'en a plus pour longtemps avant d'être à faune. Chacun se regarde, prenant conscience de la pression qui repose sur les épaules des quatre de Liverpool. Il faut tout donner du premier coup, il n'y aura pas de seconde chance. On retourne à son poste, on s'installe. John suçote une paire de bonbons pour la gorge, se gargarise avec du lait. Les musiciens prennent une profonde inspiration. Paul lance son traditionnel décompte et go. La saga des Fab Four, c'est sur RIG 90.7. Dans la cabine de contrôle, les employés retiennent leur souffle, puis s'autorisent à respirer. Un sourire de plus en plus large apparaît sur leur figure, les corps commencent à s'agiter en rythme, et 2 minutes 35 secondes plus tard, la régie résonne de cris survoltés. John Lennon a livré ici une performance vocale proprement stupéfiante, inimitable, déchirant sa voix éraillée en lambeaux. Son chant est tellement habité que les instruments autour deviennent inutiles. We'll shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out, yeah, work it on out, honey. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. You know you twist a little girl. Twist a little girl. You know you twist so fast. Twist so fast. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. Let me know that you're mine. McCartney n'est pas en reste. Il conclut le célébrissime arpège des chœurs par un hallucinant hurlement suraigu. Je vous repasse quand même ce cri pour que vous mesuriez bien le niveau de la performance. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it all out. Work it all out. You know you twist a little girl. Twist a little girl. You know you twist so fast. Twist so fast. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. So let me know that you're mine. Know you're mine. We'll take it, take it, take it, baby, now. Shake it up, baby. Take it, baby, now. Shake it up, baby. Take it, baby, now. Shake it up, baby. Vous écoutez la saga des Fab Four avec Thierry Gallet. Après ça, George Martin a le culot de demander une deuxième prise de sécurité qui est enregistrée en entier. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais elle est évidemment inutilisable. La voix de John est partie. La dernière chanson m'a quasiment tué. Ma voix a mis du temps à s'en remettre. À chaque fois que j'avalais, c'était comme du papier de verre, racontera Lennon. Malgré l'heure tardive, les Fab Four, soucieux du travail bien fait, insistent pour tout réécouter. Le lendemain, les techniciens surexcités accompliront le tour des bureaux en faisant écouter la bande de Twist and Shout à tout l'immeuble. Ça y est, Please Please Me, le premier album des Beatles, est enregistré en 10 heures de boulot. Il a été gravé sur deux pistes, les voix sur l'une, les instruments sur l'autre. C'est ridiculement rudimentaire par rapport aux technologies actuelles. Le mixage sera réalisé plus tard, sans les musiciens, pour une durée de travail totale de 25 heures. À sa sortie en mars, le disque sera propulsé en tête des charts pour y être délogé au bout de 30 semaines par le deuxième album des Beatles. Alors, qu'y a-t-il de révolutionnaire avec Please Please Me ? Eh bien, avec l'immense succès de ce 33 tours, les Fab Four vont tout simplement changer les usages et transformer durablement la face de la musique populaire. Désormais, le long format ne sera plus réservé uniquement à la musique de papa et maman, à la variété, aux instrumentaux d'ambiance ou aux bandes originales de films ou de comédies musicales. Désormais, ce sont les groupes qui vont cartonner et moins les artistes solos. Désormais, les formations en leader plus musicien d'accompagnement vont passer de mode. Chez les Beatles, chacun prend en charge le chant ou les harmonies à tour de rôle, c'est inédit. Et autre rupture, le groupe écrit ses propres chansons et les enregistre lui-même en complète autonomie. Les morceaux ne sont pas commandés à des compositeurs extérieurs, ils font partie des premiers à fonctionner de la sorte. De son côté, EMI accomplit une opération hyper rentable avec, pour cette journée d'enregistrement, un retour sur investissement probablement sans équivalent dans l'histoire de la musique. La session aura coûté 400 livres sterling, 7600 euros actuels, moins de 1% du budget annuel de Parlophone. Vers 23h, ce 11 février 1963, les portes du studio 2 d'EMI se referment enfin. Les Beatles sautent dans le bus qui les emmène à l'autre bout du pays pour la suite de leur continuelle tournée. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous aurez apprécié cet éclairage différent sur les Beatles. À bientôt dans Two Beatles en Not To Be. Grand merci à Doc Robert qui a réalisé cette émission Two Beatles en Not To Be. C'était une spéciale. Habituellement, il ne fait pas ça. Là, il a vraiment décortiqué le premier album des Beatles. Il a dit que ça lui a pris énormément de temps et c'est du super boulot.

Oui, parce qu'il faut vous dire que dans les années 60, on va dire avant, dans les années 50, du temps d'Elvis, la plupart du temps, on va pas dire ça tout le temps, la plupart du temps, il y avait un gars qui chantait et une équipe de compositeurs qui composaient pour des tas de chanteurs. C'était très rare qu'un groupe compose ses propres chansons. Et ben là, ça marchait. Donc, les Beatles s'exécutèrent avec grâce et composèrent I'll Be On My Way et Bad To Me pour Billy G. Kramer and the Dakotas, Tip Of My Tongue pour Tommy Quickly, Love Of The Loved pour Celia Black et Hello Little Girl pour les Four Boost. Paul a admis qu'ils avaient pondu tout ça parce qu'ils pensaient qu'il était normal pour un duo de compositeurs d'écrire le plus possible en se réservant les meilleurs titres et en offrant les autres aux autres. Paul McCartney en a fait une reprise en soundcheck dans les années 90. Je crois que c'est sur Police Live, il me semble. On reste dans le rock and roll. Roll over Beethoven. Et George, vas-y George. Nous sommes restés sur l'album With the Beatles avec Roll Over Beethoven, chanté par George Harrison, et Money, That's What I Want, 60 ans plus tard, c'est toujours valable, peut-être même un petit peu plus qu'avant, je dirais. Pour Roll Over Beethoven, en 73, il y a le groupe Electric Light Orchestra, mené entre autres par Jeff Lynne, qui fera un Roll Over Beethoven absolument furieux, avec violon et tout ça, qui dure plus de 7 minutes et qui est extrêmement rock'n'roll. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de l'écouter. D'ailleurs, pourquoi pas, on l'écoutera peut-être en cover, un de ces quatre. You know you should be glad. With a love like that, you know you should. be glad. She loves you, avec le commentaire du père de McCartney qui disait « Tu dis she loves you, yeah, yeah, yeah. Pourquoi tu ne dis pas she loves you, yes, yes, yes ?» C'est quand même plus anglais, n'est-ce pas? Et non, enfin, c'était pas jeune en tout cas. Quelle prodigalité en tout cas en 1963, alors qu'il démarrait juste, ils nous ont fait 2 33 tours et il nous faut également des 45 tours qui ne sont pas sur les 33 tours. Vous venez d'entendre She Loves You, voici la phase B de ce 45 tours qui n'est pas sur le 33 tours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign yourself to me. I'm in love with you many, many, many times before. It's not likely to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Avant de quitter l'année 1963, décidément que de 33 tours, que de disques, voici une autre face A, face B. From Me to You et Thank You Girl sur RG. I said it.

Et pour accueillir Eric à l'heure à peu près, on lui dit qu'il a un ticket to ride dans quelques instants avec Johnny de A à Z. Ticket to ride and I hope that you care. Allez, merci tout le monde et à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'était vraiment très bien. Et à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous laisse avec Eric. Ça va être très, très bien aussi. Ciao.